ennuis, tu vois. J'aimerais sentir la joie. J'aimerais sortir de moi. Et quand je m'ennuie, je pense à toi. J'ai peur du vide, vide, à travers toi.